à toutes et à tous, vous êtes sur la radio des Boutières et vous écoutez l'émission Zik Actu. Tout d'abord, puisque la coutume le veut et que nous sommes le 6 janvier, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015, en musique évidemment. Et puisque je suis pas très fort en bonne résolution, j'ai toujours pas pris la résolution d'écrire mes textes d'introduction, donc ça va continuer de s'entendre. J'en suis bien désolé, mais cependant, je vais essayer d'improviser, de m'améliorer en improvisation, essayer de moins manger les mots, pour vous faire des émissions de mieux en mieux, et c'est à ça que vous allez m'aider précisément. C'est-à-dire, je vous rappelle que cette émission est communautaire et du coup, pour bien commencer l'année, je voulais faire une émission en partenariat avec vous. Et cette émission sera donc une rétrospective de 2014. Je vous ai demandé sur Facebook, via la page Zik Actu RDB, quel était votre album de 2014. Et j'ai eu quand même pas mal de réponses, de quoi remplir une belle programmation. Il y a des choix que je partage complètement et d'autres que je partage à présent parce que je ne connaissais pas tout. Et donc ça me fait aussi l'occasion de découvrir plein de choses. On commence tout de suite avec l'album de l'année de Rémi. C'est Demon Albarn, et là je partage complètement. Je voulais commencer avec ça parce que ce morceau je l'aime beaucoup, c'est Lonely. Il y a un morceau dans l'album que j'aime beaucoup, mais il y en a d'autres. Mais l'album, non, ce morceau s'appelle Lonely Press Play, If You Lonely Press Play. C'était le nom du premier podcast, donc de la première émission que j'ai faite, et voilà, c'était en mai dernier. On écoute Demon Albarn, Lonely Press Play. Can I get any closer? What antidote can I bring? this place, 'cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me. C'était Damon Albarn sur son album solo, le premier album solo de sa longue carrière. Cet album s'appelle Everyday Robots et le morceau s'appelait Lonely Press Play, c'est-à-dire quand je me sens seul, j'appuie sur lecture en à peine romancé. Et voilà, c'est en effet ce qui marche très bien avec cet album et ce qui marche très bien avec la musique en général. Ça marche aussi avec les films. On continue avec l'album de l'année de Stéphanie, une auditrice fidèle de Zikactu, que je salue au passage, et qui nous a proposé Christine and the Queens. L'album s'appelle Chaleur humaine. C'est un album un peu un ovni. Je crois que j'ai lu ça dans les Un Rock. Il disait qu'il y avait tout pour que ça soit fragile et bancal, et qu'en fait toutes ses faiblesses devenaient des forces. Alors, un album à méditer. Moi, je l'ai peut-être pas assez écouté, mais en tous les cas, il y a des beaux morceaux. Les morceaux qu'on entend le plus à la radio sont intéressants. Et là, j'ai choisi de vous passer le morceau éponyme, c'est-à-dire qui porte le même nom que l'album. C'est le morceau qui s'appelle Chaleur humaine, donc. Voilà, c'est un peu tôt peut-être pour le passé, donc, mais bon, les allusions sont plutôt douces. Chaleur humaine, Christine and the Queens. Ça a été créé. Toutes celles que glissent sous l'oreiller, des cupidons aux lèvres abîmées, sur le sexe les jambes repliées. Je suis contre les chastetés, ces refus à bouche fermée, qui font du corbeau un corps habillé, et sonnent l'éclat des frivolités. Car me montre tout et pointe du doigt la non-beauté des nudités pour m'initier dans un sourire à la chaleur humaine. Ce gamin-là me montre tout et pointe du doigt la non-beauté des nudités pour m'initier dans un sourire à la chaleur humaine. Dans un sourire à la chaleur. and the Queens, le choix de Stéphanie, l'album de l'année de Stéphanie. Et donc, je vous parlais des In Rock tout à l'heure, c'est le numéro 1 du top 100 des 100 albums de l'année 2014 pour les In Rock, c'est Christine and the Queens. Donc un album à écouter, je ne l'ai jamais écouté en entier, je dois vous l'avouer, et ce sera bientôt fait. Voilà, les bonnes résolutions qui commencent. Dans ce top 100, on a déjà donné les deux premiers, Damon Albarn est numéro 2, et le numéro 3, on en parlera un peu plus tard. On passe au choix de Margot du Chélard, donc une auditrice locale qui est maintenant à Lyon d'ailleurs, que je salue, et qui m'a présenté un album et un artiste complètement fou, qui fait entre autres du dubstep et de l'électro bien bourrine. Et cet album est vraiment particulier, l'album s'appelle Protos, l'artiste s'appelle Savant, et le titre Man of the Law, l'homme de la loi. Il y a un côté complètement décalé, complètement second degré, la pochette ressemble un peu au dessin animé manga des années 90, donc un peu les Chevaliers du Zodiac. C'est assez fou, je vous fais écouter parce que c'est quand même ce qui marchera le mieux pour vous faire une idée. On écoute Savant. C'était Savant et vous écoutez Zikactu, on est en 2015 et on écoute de la musique du futur, ou presque, parce que l'artiste lui-même considère que cet album est un album de 80s space rock, c'est-à-dire du rock de l'espace des années 80. En 2015, j'arrêterai toujours pas les traductions à la volée complètement approximatives, je suis désolé encore une fois. Et donc c'est son 11e album à Alexander Winter qui n'a pourtant que 27 ans. Donc à 27 ans, il a déjà 11 albums à son actif, en tous les cas pour ce projet-là. Et puis c'est pas des petits albums, hein. Lui par exemple, il dure 1h15. En moyenne, il y a une vingtaine de titres un peu longs comme celui-là. Mais voilà, cet album a l'air vraiment à part et vraiment très intéressant. Donc merci Margot pour cette découverte. Et puis, bon, d'accord, c'est votre émission cette fois-ci. Je me permets juste une petite incursion pour moi donner mon album de l'année. Et peut-être que vous l'aurez deviné si vous êtes un fidèle de l'émission, c'est l'album de The Do, Shake Shook Shaken, pour moi, avec Damon Albarn aussi qui m'a énormément plu. Mais The Do, en plus, je suis allé les voir en concert en décembre, donc évidemment, c'est encore tout frais. Et vraiment, c'était un très beau concert, donc un groupe que je vous conseille en live, ça fait deux fois que je les vois, c'était vraiment très bien les deux fois. Et pour rester dans cette ambiance un peu Daft Punk, un peu Air, un peu tout ça, je vous propose une reprise des Daft Punk par The Do. C'est une session qu'ils ont fait pour Spotify. On écoute Instant Crush. Give it no time. He sees right through me, it's so easy with lies. Cracks it. Merci, merci. Oui, c'était en live, c'était donc The Do pour une reprise de Daft Punk, Instant Crush. Et voilà, moi c'est un groupe que j'adore parce qu'ils savent tout faire. Ça fait trois albums qui renouvellent leur style et toujours avec brio. En fait, ils vont toujours dans des trucs différents et c'est toujours génial. C'est un duo donc d'une songwriter, donc on va dire qui écrit les paroles, la base harmonique et les mélodies, et d'un arrangeur, donc Dan et Olivia, la chanteuse. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce groupe, je vous conseille une interview qui sera sur le site Froggy's Delight. Froggy's Delight. Alors ça, si je tente de le traduire à la volée, ça doit donner le délice des... Comment ça s'appelle ces petits trucs qui sautent? Les grenouilles, mais ça doit vouloir dire les Français. Une interview faite par Michael Motet. Michael Motet, que vous pouvez, alias Angel en fait, que vous pouvez donc retrouver dans le groupe Angel and the Hidden Tracks, qui sort son dernier album là, fraîchement, qui s'appelle Line. Il faudrait absolument que je vous le fasse écouter. C'est noté, ça sera fait pour plus tard. Donc, et pour parler de Michael Motet, et ça fait pas mal de fois qu'il me conseille, enfin je vois sur Facebook qu'il conseille l'album de Beyoncé et Rémi, donc un auditeur de Zikactu, rejoint ce choix-là. Donc bah, on va écouter tout simplement Beyoncé, l'album qui s'appelle Platinum Edition. Moi je n'ai pas d'a priori comme ça, enfin j'en aurais plutôt tendance à en avoir, mais on va dire que j'en ai pas. Je vous ai quand même passé Calogero, donc Beyoncé pourquoi pas finalement, quand c'est des pointures comme ça qui nous le recommandent. Rémi et Michael vous recommandent Beyoncé, on écoute XO. Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out. Your heart is glowing and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Baby, love me lights out. In the darkest night. Yeah. C'était Beyoncé XO de l'album Platinum Edition, on va dire comme ça, l'album éponyme Beyoncé. Et bah écoutez, je dois vous faire une confession, je fais cette émission dans le noir, tout seul à la radio avec un casque sur les oreilles, bien fort, et franchement c'était mortel. Voilà, je dois l'avouer, je ne connaissais pas Beyoncé, je ne la connais d'ailleurs toujours pas personnellement, mais et voilà, musicalement en tous les cas, on va pouvoir peut-être s'entendre. En même temps, bon, je suis quand même un grand fan de Toxic de Britney Spears, donc voilà, c'est pas parce que c'est une énorme prod internationale qu'il faut tout jeter directement à la poubelle. La prochaine chanson est une autre énorme prod internationale, c'est Lana Del Rey. C'est le choix de Grégoire que je salue aussi. Voilà, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et de savoir ton album de l'année 2014. Et donc elle a sorti un album qui s'appelle Ultra Violence. Allez, Ultra Violence, oula, quelle traduction incroyable. Et on écoute le titre éponyme qui est aussi très chouette. Violence. C'était Lana Del Rey, vous écoutez Zik Actu et on fait une émission spéciale rétrospective 2014 avec vos albums de l'année. Et du coup une émission complètement participative, c'est incroyable. C'est le cas de toutes les émissions, vous pouvez à tout moment me faire découvrir vos découvertes par la page Facebook Zik Actu RDB. Et donc là on écoutait Lana Del Rey, mais c'était très bien, Ultra Violence, c'est un album à écouter donc. Je l'ai pas écouté en entier, mais je le ferai, c'est promis. On continue avec un petit voyage en Finlande avec le claviériste du groupe Nightwish qui sort son album solo. Donc il était à l'origine de Nightwish en 96. Donc Nightwish c'est un groupe de symphonique, de metal symphonique finlandais. Et là, il sort un premier album, assez orienté fantasy de ce que j'ai pu entendre. Il s'appelle Tuomas Holopainen. Alors, voilà, si vous n'arrivez pas à tout noter comme ça à la volée, si vous êtes dans votre voiture, vous pouvez à tout moment réécouter les émissions en podcast. Et à chaque fois sur les podcasts, je précise, j'écris tout en dessous pour que vous puissiez savoir ce que j'ai passé exactement et retrouver les références plus facilement. L'album est un concept album, il s'appelle The Life and Times of Scrooge, c'est-à-dire que ça va sûrement nous raconter l'histoire de Scrooge. Alors qui est Scrooge, je sais pas, pour moi je crois que c'est un fantôme, l'étrange Noël de Scrooge, ou je sais pas exactement si ça a un rapport. Et le morceau s'appelle A Lifetime of Adventure, une vie d'aventure, tout simplement. On écoute Tuomas Holopainen, et je remercie beaucoup Guillaume de m'avoir fait prononcer ce nom imprononçable et d'être un fidèle de l'émission. C'est parti, je vais prendre des bonnes résolutions, vous inquiétez pas, je vais faire des transitions un peu plus courtes et un peu plus organisées. Je vais essayer. C'est parti. Oh, On retrouve encore donc ce côté symphonique et fantastique qu'on avait déjà dans Nightwish avec quelque chose d'un peu plus violent. Donc voilà, si vous aimiez les harmonies et la voix de Nightwish, voilà, on est un peu dans cette ambiance-là. C'est très très beau, c'est le claviériste de Nightwish. Et merci Guillaume donc pour cette découverte. On continue de voyager, on était en Finlande, on va aller en Hollande avec une artiste qui s'appelle Kovacs. Son nom complet, enfin son nom de scène, c'est Sharon Kovacs. Et elle a 24 ans et elle a sorti un EP, c'est tout. Donc c'est pas vraiment l'album de l'année 2014, mais c'est vraiment une belle découverte en tous les cas pour 2014. C'est pas un album parce que c'est un EP, donc c'est-à-dire il y a seulement 4 titres. Et c'est une découverte de Chacha, Chacha qui est du côté de la Mastre, que je salue aussi, et qui m'a fait découvrir ce titre. Donc on écoute Kovacs, My Love. Babe, don't try to call. My heart is sticking and a shawl. Just won't wait. Strange. You couldn't see it my way. Hey, now go. I pray for you to fall. The spark has died and now you're just of champagne. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My love, diamond rings and Chevrolets. My love, no more tears and no regrets. My love, time to lay the man to rest. My love, come down. Kovacs avec son titre qui s'appelle My Love. Voilà, elle a sorti qu'un 4 titres, un EP, et tout l'internet s'enflamme pour cette artiste qui est vraiment, c'est vrai, envoûtante en fait. Il y a quelque chose vraiment d'envoûtant dans sa voix. Et puis voilà, cet ostinato qui rappelle un peu Carmen, l'amour est enfant de bohème, tout ça, si vous voyez de quoi je veux parler. Vraiment très classe. Merci Chacha pour cette découverte. Et on continue avec une découverte d'Anthony qui nous dit que son album de l'année 2014, c'est Royal Blood. Anthony, je pense qu'on entendra encore parler de lui, Anto, de son prénom. De son surnom, qui a plusieurs particularités, qui est donc MC dans un groupe qui s'appelle 232K, dont je vous ai déjà parlé. On reparlera sûrement de ça dans une émission spéciale hip-hop 2. On devait faire une interview qui avait pas pu se faire, et ça sera fait, je le promets, ce sera fait. Et Anthony, donc, vous pouvez aussi retrouver dans un podcast qui s'appelle Bro de Cast. Voilà, je vous conseille tous ces podcasts indépendants sur internet. Moi j'aime beaucoup l'apéro du Capitaine aussi, qui est un des podcasts les plus connus, qui est très chouette aussi. Et voilà, c'est un média un peu alternatif, le podcast. Et bon, voilà, en tant que participant de ce monde-là, je vous le conseille fortement, le podcast Bro de Cast. Et ce qui m'a fait passer, c'était vraiment super bien. Royal Blood, c'est pareil, j'ai pas eu le temps d'écouter l'album entier, mais vraiment, les quelques titres que j'ai écoutés je les ai trouvés mortels. On écoute Out of the Black de Royal Blood, l'album s'appelle aussi Royal Blood. How did it feel when it came alive and took you? C'était Royal Blood et je me rends compte que j'ai ramené les guitares un peu rapidement, un peu brutalement. J'ai tout simplement zappé une piste dans ma playlist. Mais c'est pas grave, ça réveille un peu. Il est 20h53, vous êtes sur la radio des Boutières et vous écoutez donc l'émission Zik Actu. Et je me rappelle quand même du nom de l'émission en 2015. Gros effort de mémoire. Et puis bah écoutez, tant qu'on est dans les guitares, on va rester un peu dans la guitare. On va aller directement, je sais pas moi, chez Joe Dassin par exemple. Joe Dassin que Carmelo nous a conseillé. Alors Carmelo, qu'est-ce que t'as pas compris dans 2014 ? Il faudrait que tu m'expliques. Donc pour répondre à ta demande quand même, parce que voilà, j'ai une communauté naissante que je ne dois pas décevoir, je vais te passer du Joe Dassin, mais dans une version de 97, étant donné qu'il est mort en 80, ça doit pas être lui, c'est NoFX. Bonjour, n'importe qui, n'importe qui, c'est pour toi. Je t'ai dit n'importe quoi, elle se faisait de te parler pour un peu plus de guitare à la main ce soir matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et là on n'a même pas passé à s'en passer. Oh, voilà, ça c'est une version dépoussiérée. Bon, ça reste encore, voilà, il n'y a pas trop de poussière, même si ça a presque 20 ans. mais voilà, en 2015, on garde quand même un œil dans le rétro. Et par exemple, Jean-Pierre me propose de passer Détroit. Et Détroit, c'était sorti en 2013, leur album Horizon. Par contre, en cherchant un peu, j'ai trouvé qu'ils ont sorti un live il y a quelques mois, en fait, donc en 2014. Donc on peut quand même passer Détroit. Et on va encore plus garder un œil dans le rétro, on va regarder encore plus loin, on va regarder du côté de Noir Désir. Et on va écouter cette version de Lolitania en bloc. Lolitania en bloc, donc un titre de Noir Désir, repris par Détroit. Finalement, c'est Bertrand Cantat, donc on n'est pas complètement dépaysé. Et c'est extrait du live à la Cigale de Détroit, Lolitania en bloc. Lolitania en bloc, elle navigue au loin sous les cils, à 100 lieues de ce tout et que le silence et la jalousie la guette. Elle oublie la liste et l'allonge encore, elle veut s'isoler, alors elle s'absorbe dans la contemplation de ses pieds. Un ange passe. Puis son doigt décrit dans l'air des étoiles et bien des éclairs. Elle ignore si superbement les sentiments, les aléas de l'amour. Elle s'avance vers la fenêtre, abandonner la cive. Et elle couvre le ciel de mille signes étranges et inconnus de tous. Un ange passe. Un un ange passe. Je n'ai pas su déchiffrer le sens secret de tes gestes lents aérés. Simulacre ou magie fut-il à moins que le vide et l'ennui ne s'emparent de toi, Lolita. Et si cette ville pleine de rien voulait se crever enfin. Un ange part. Détroit avec Lolita Néon Bloc. Bon allez, on va faire une bonne résolution en 2015, on va essayer d'aller de l'avant, on va essayer de s'ouvrir à la découverte, à la nouveauté. Et du coup, pour finir cette émission, je vous propose une toute nouveauté que moi je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle Passing Out Pieces, le morceau. L'artiste c'est Mac DeMarco et c'est un conseil de François que je salue aussi. L'album s'appelle Salad Days et c'est super chouette. Right in front of my eyes. Hell of a story. Or is it boring? Can't claim to care. Never been reluctant to share. Passing out pieces of me. Don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on me. It's all I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's made of me. Passing my life, living it out with her side. Listening closely, hearing mostly. Can't shake concern, seems that every time that I turn, I'm passing out pieces of me. Don't you know nothing comes free? What mom don't know has taken its toll on me. All I've seen that can't be wiped clean. It's hard to believe what it's made of me. Yeah. c'était Mac DeMarco, un choix de François pour l'album 2014. Voilà, cette émission touche à sa fin. Et vraiment, je vous remercie tous d'avoir participé à cette programmation. C'était super agréable de faire quelque chose, voilà, une émission communautaire. On en refera avec grand plaisir. On a donc écouté Damon Albarn, le choix de Rémi, Christine and the Queens, le choix de Stéphanie, Savant nous a été conseillé par Margot. Je fais tout de mémoire, hein, incroyable. Moi, je vous ai conseillé The Do, c'était pas la première fois, excusez-moi, je me répète. Beyoncé par Rémi aussi et Mickaël. On a écouté ensuite Lana Del Rey, proposée par Grégoire. Thomas Holopainen par Guillaume. Royal Blood par Anto. Joe Dassin par Carmelo, évidemment, que je salue. Et évidemment. Évidemment, c'est une évidence pour tout le monde. Et Détroit, qui était suggéré par Jean-Pierre. Et on a fini avec Mac DeMarco, donc suggéré par François. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir écouté. J'espère que cette rétrospective vous a plu. On a passé plein de trucs, mais il manquait plein d'albums, évidemment. Il y a plein de choses qui sont sorties en 2014 qui étaient chouettes. Il y avait notamment le grand retour des Foo Fighters, mais surtout des Pink Floyd, avec des albums aussi. Le deuxième album d'Al Jay, qui était très bon aussi. Moi, Fauve, j'avoue que j'aime. J'avoue, je fais mon coming out. Et voilà, des albums de Brigitte aussi. Un album de Brigitte qui est sorti, Mina Tindall, Emily Simon, et plein d'autres choses, plein d'autres titres qu'on a passés en 2014 dans votre émission Zik Actu. On continuera de défricher l'actualité musicale tous ensemble en 2015. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Écoutez de la musique surtout. Je vous souhaite d'avoir le temps d'en écouter et de prendre plaisir à le faire. Et voilà, une belle année en musique et plein de belles choses comme ça, vous choisissez. Et je vous dis à dans deux semaines, tout simplement. Passez une bonne fin de soirée, à très bientôt. Ceux qui sont à la radio, qui n'écoutent pas en podcast, j'ai une nouvelle difficile à vous annoncer. Le titre avec lequel je vais être obligé d'enchaîner, c'est Dr Alban Sing Alléluia, donc dans un tout autre style. Attention, ça va décoiffer.